طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, بارك الله فيكم, la lecture de ce chapitre qui est un des chapitres du très célèbre livre de l'imam al-Bukhari, al-Sahih, Sahih al-Bukhari, et donc le chapitre qu'on voit régulièrement, qui est le chapitre concernant la fermeté sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé au sous-chapitre numéro 14. Il dit l'auteur rahimahullah, Babu qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, Litattabi'unna sunana man kana qablakum. Et donc le sous-chapitre concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes vous allez suivre les voies de ceux d'avant vous. Et c'est là qu'on va arriver à l'anniversaire. On va y arriver. Et donc ici, l'auteur Al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans ce chapitre des preuves montrant qu'il est interdit en islam de suivre les voies des peuples précédents, mais que cela va arriver. Cela va arriver. Les musulmans vont suivre les voies des peuples précédents. Alors le premier hadith qu'il nous cite, l'imam Al-Bukhari, la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abu Hurairah radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La taqoumu sa'atu hatta ta'akhudha ummati bi akhdil kuruni qablaha, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, n'arrivera pas avant que ma communauté ne suivre les communautés précédentes. Shibran bi shibrin dira bi dira'an bi dira'. Et shibr, c'est quoi shibr en arabe? On avait déjà vu avec Ali. Khalil, c'est quoi shibr? Barakallahu fik. Shibr, la distance qu'il y a entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire. C'est ça qu'on appelle shibr. Et dira, le coude. C'est une expression pour nous dire que la communauté va suivre les communautés précédentes à la trace. On ne les lâche pas. Hein? Pour ceux qui connaissent le sport, que ce soit le basket ou autre, quand on te dit tu défends sur un tel, tu ne le lâches pas, tu le suis à la trace. Il y a la différence maximum qu'il y a entre toi et lui, c'est une coudée, pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait plus. Et donc la communauté musulmane va suivre les communautés précédentes à la trace. Alors, les compagnons ont dit, « Ô messager d'Allah, keferis warroum, ô messager d'Allah, comme les Perses et les Romains, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa manin nasu illa ulaik. » Et qui sont les gens, si ce ne sont pas ceux-là? Et donc ici, on voit dans ce hadith, comme j'ai dit, que nous allons suivre les communautés précédentes. Ici, les communautés qui ont été citées, ce sont les Perses et les Romains. Pourquoi? Parce que ce sont les communautés qui avaient le plus de pouvoir à cette époque. Les Perses et les Romains. Certains donc qui suivent Al-Majusiyya et d'autres qui étaient chrétiens. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde aussi contre le fait de les suivre. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui nous cite un autre hadith. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دُوَبِّنْ تَبَعْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. Dans une autre narration, le prophète qui dit « Vous allez suivre les communautés précédentes à la trace. » À tel point que s'il rentre dans « Juhradoub », c'est le trou dans lequel va rentrer un lézard pour s'abriter. Même s'il rentre dedans, vous allez les suivre, vous allez rentrer dedans. Il dit sallallahu alayhi wa sallam. Alors les compagnons ont dit « Les juifs et les chrétiens, il a dit qui d'autre ?» Femen. Et donc, dans un hadith, il cite les Perses et les Romains. Dans un hadith, les juifs et les chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les communautés qui étaient connues. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont que ces communautés-là. Ce sont des exemples. Pour nous montrer que les musulmans vont suivre les communautés précédentes dans leur déviance, dans leur péché, etc., etc. Dans une autre narration qu'Al-Bukhari n'a pas citée ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « À tel point que s'il y a un homme d'une communauté précédente qui a un rapport avec sa mère en public, on trouvera dans ma communauté des gens qui feront cela. » On trouvera dans ma communauté des gens qui feront cela. Et donc ça veut dire que la communauté musulmane va laisser rentrer des mœurs et des pratiques qui ne sont pas du tout conformes à l'islam. Exemple, la question qui a été posée tout à l'heure sur l'anniversaire. Les anniversaires, ça vient d'où? Des chrétiens. Les chrétiens qui ont commencé les anniversaires pour Jésus, ensuite ils les ont étendus aux saints, ensuite ils les ont étendus jusqu'à ce que c'est l'anniversaire de tout le monde. Ensuite, les musulmans, ils ont vu ça. Ah, c'est bien, fête d'anniversaire, il y a des gâteaux, il y a des cadeaux, il y a ci. Bon, on retire l'alcool, on retire le porc, on retire ci, et on le met anniversaire en mode halal. Sauf que c'est pas halal. Ça fait partie des rites aujourd'hui, ça fait partie des rites des chrétiens. Et nous, les musulmans, on va vous retrouver des musulmans qui vont aussi fêter les anniversaires. Il y a des musulmans qui le font, quoi. Oui, oui. Nous, les musulmans, on va trouver des musulmans qui le font. Alors, ça y est, plus, ça y est, peut-être une coutume, une culture. Toi, où tu habites, en Belgique, en Europe, je dirais l'Europe est beaucoup plus influencée par l'athéisme. L'athéisme est la culture chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont chez vous ne sont pas... n'ont pas vraiment la chrétienté dans leur pratique. Ils ne connaissent pas beaucoup. Mais est-ce qu'on peut les sortir de la religion chrétienne? De la même façon qu'un musulman qu'on va trouver qui n'a pas une pratique conforme à l'islam, est-ce qu'on peut le sortir de l'islam et dire non, il n'est pas musulman? Non, on ne peut pas. Sauf si vraiment il y a une preuve claire qui montre qu'il est sorti de l'islam. Pareil pour les chrétiens. Et les chrétiens, c'est encore pire. Parce que pour les musulmans, on a une preuve claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « El ahdu baynana wa baynahumus salat » Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. « Faman tarakaha faqad kafar » Celui qui la délaisse a mécru. Et donc ici on a un texte clair qui nous montre que celui qui délaisse la prière en islam, il a délaissé la salat, il a délaissé la religion. Il a mécru. Ça, c'est un texte clair. Chez les chrétiens, tu ne trouves pas ça. Chez les chrétiens, tu ne trouves aucun texte qui te montre celui qui délaisse ça a mécru, celui qui délaisse ça a mécru, celui qui délaisse ça a mécru. À tel point qu'ils sont unanimes. Aujourd'hui, les chrétiens, qui est-ce le chrétien qui n'est plus chrétien? C'est celui qui ne croit plus en la résurrection de Jésus. C'est tout. À partir du moment, même s'il fait tous les péchés du monde, il ne connaît rien de sa religion, tu lui demandes, est-ce que Jésus est mort, crucifié, ressuscité? Il te dit oui, c'est bon. Chez les chrétiens, ça suffit, c'est un chrétien. D'accord? Et d'ailleurs, les témoins de Jéhovah, ils utilisent ça comme réplique au Vatican et à autres qui disent que les témoins de Jéhovah sont une secte qui n'est pas chrétienne. Les chrétiens, elles disent, les témoins de Jéhovah, elles disent, nous croyons en la résurrection, mais nous ne croyons pas que Jésus, c'est Dieu, ou que, etc., etc., etc. D'accord? Et donc, ce sont des chrétiens. Les gens que vous allez avoir en Europe, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens, même s'il y a beaucoup d'athées, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens. Et cette pratique est une pratique qui vient de leur religion, la religion chrétienne. Aujourd'hui, nous, les musulmans, même si aujourd'hui ces chrétiens-là ne pratiquent pas l'anniversaire pour leur religion, on ne peut pas prendre ce rite qui vient de chez eux pour le pratiquer chez nous. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez le sujet? Aujourd'hui, si les chrétiens roulent en voiture et voyagent en avion, on ne va pas dire « Ah non, on ne peut pas rouler en voiture, rouler en avion parce que les chrétiens roulent en voiture et voyagent en avion. » Non, parce que ça ne fait pas partie de leur religion. Ce n'est pas spécifique à leur religion. Mais l'anniversaire, il a été spécifique à leur religion. Et donc là, on ne peut pas, ça et c'est fini. À partir du moment où cet élément a été spécifique à leur religion, non, tu ne peux pas. Comme la tenue du prêtre. Parfois en Martinique, des gens, ils me disent « Monsieur le prêtre », parce qu'ils me voient en camis. Je leur dis « Non, il y a une grande différence. Okay. C'est pas possible. Sur le col, etc. C'est religieux, la tenue qu'il a, le prêtre. Aujourd'hui, un musulman qui va venir à la salate, et il a un pantalon serré, etc. Il va trouver une tenue de prêtre. Il va mettre la tenue de prêtre pour faire la salade. On va lui dire « Stop !» Ça, c'est religieux. C'est une tenue qui appartient à la religion. C'est pas un madras ou une tenue qui est culturelle, qui est liée à la Martinique, etc., etc. Et donc, on fait la différence entre ceux qui appartiennent à une religion de manière spécifique et ceux qui appartiennent à la culture du pays ou autre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a pas blâmé ou interdit la culture du pays. D'ailleurs, lorsque l'islam s'est propagé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, respectait encore la culture des Arabes. D'accord? Et donc, la communauté musulmane va suivre les traces des communautés précédentes. D'où le fait que nous devons nous méfier et regarder quelles sont les communautés, quelles sont les pratiques des communautés précédentes. Vous savez quel est le gros problème aujourd'hui, les frères? C'est qu'on n'apprend pas le mal. Déjà le bien, déjà pour apprendre, déjà, c'est difficile. Ensuite, lorsqu'on commence à apprendre, on n'apprend pas le mal. Pourtant, c'est important d'apprendre le mal, les mauvaises choses. C'est important, afin de t'en méfier. C'est important qu'on connaisse les pratiques des peuples précédents afin de les délaisser. Et donc ce hadith nous incite à apprendre quelles sont les pratiques des peuples précédents que nous devons délaisser. Les frères, il y a combien de musulmans qui vont adorer des tombes? Combien sont nombreux, comme sont nombreuses les tombes au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Pakistan, au Soudan, où vous voulez. Au Yémen, il y a combien de tombes dans les pays musulmans? Ça vient d'où ça? Est-ce que ça vient de l'islam? Pas du tout. Pas du tout, les saints. La fête de la Toussaint, ça vient d'où? Ça vient de chez les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on retrouve ces mêmes problèmes dans la communauté musulmane? Parce que nous suivons les communautés précédentes. Et donc il est impératif qu'il y ait dans cette communauté des personnes qui appellent les autres à se méfier de ces pratiques, à délaisser cela, à ne pas faire des innovations. Car ceux qui vont laisser passer ce genre de pratiques, ceux qui vont se taire concernant ce genre de pratiques, et être la cause de la propagation de ce genre de pratiques, sont responsables des péchés aussi que vont prendre les autres, comme on le verra dans le chapitre précédent. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, « Bab ou ithmi, man da'a ila dhalalatin, aw sanna sunnatan sayyi'a. » Le sous-chapitre concernant le péché de celui qui appelle à un égarement, ou qui va être la cause de la propagation d'une mauvaise sunna. La cause de la propagation d'une mauvaise sunna. C'est-à-dire d'une mauvaise pratique. L'auteur, il nous cite un verset, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa min awzari alladhina yudilluna bi ghayri ilm. Ainsi que les péchés de ceux qui et qu'ils égarent sans science. Ça, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah, afin qu'ils portent le poids de leur péché, le poids entier de leur péché au jour de la résurrection, wa min awzaril ladina yudilluna bighayri ilm, ainsi que le poids des péchés de ceux qui les ont égarés sans science. Et donc ceux qui vont égarer d'autres personnes, ils vont prendre leurs propres péchés entièrement, mais aussi les péchés de tous ceux qui les ont suivis sans science. Tous ceux qui les ont suivis sans science, ils vont prendre aussi leurs péchés. Et donc, barakallahu fikoum les frères, il faut qu'on apprenne notre religion, qu'on apprenne quelles sont les pratiques des peuples d'avant nous, afin qu'on se méfie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit quant au fait de rajouter dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Cela est ferme et formellement interdit dans notre religion. Et donc, ce chapitre, il est lié au hadith très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à une guidée, aura sa récompense complète et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. Et celui qui appelle à une récompense, à un égarement, aura le péché de tous ceux qui l'ont suivi, sans que ses propres péchés ne soient diminués en quoi que ce soit. Ou sans que leurs péchés ne soient diminués en quoi que ce soit. Et donc il est important, ô chers frères, que chacun d'entre nous, on ne soit pas la cause de déviance des gens. Que c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire quelque chose, ben, que tu suis le mouvement, et que derrière tu es la cause que d'autres vont te suivre, etc. Non, tu vois les gens faire quelque chose, vérifie. Demande, salam alaikum, cher, comment allez-vous, vous allez bien? J'ai vu la dernière fois, je ne sais pas si telle et telle chose. Est-ce que le prophète et ses compagnons faisaient comme ça? Est-ce que... On pose la question, on demande. Et c'est ainsi qu'on avance dans la religion. Mais en suivant le mouvement comme ça, au final, tu vas te retrouver à suivre le mouvement des juifs et des chrétiens qui faisaient la même chose. Sauf que là, on a changé le nom. Comme on a changé le nom du bikini, on l'a appelé comment? Comment ils l'ont appelé? Le bikini. Voilà. Voilà. Ou les NHI, ils les ont appelés NHI islamiques, etc., etc., etc. Hein? À la base, les anachites, c'est pas forcément interdit. À la base. Non, mais je veux dire, tu as fait le lien entre bikini et burkini, mais anachite et. Non, par rapport à la musique, aujourd'hui, la musique qu'ils vont appeler anachite. Ah, d'accord. Okay. D'accord. À la base, ce qui va être permis lors des mariages, ouais. Donc les chants, avec ce qu'on appelle être douf. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'anachites, ils ont fait rentrer tout le reste et ils te disent. Islamia, on parle d'Allah, on parle d'islam, on parle de si, etc., etc. Comme ils font à l'église de Sainte-Marie avec la guitare et le piano. Tout simplement. Non. Et donc le premier hadith qu'il nous cite, l'auteur dans ce chapitre, on va pas tarder, le premier hadith qu'il nous cite, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, « Laysa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibn Adam l'awwal kiflun minha. » وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a personne qui est tué en toute injustice sans que le premier fils de Adam n'ait un péché en cela. Car donc il est le premier qui a donc débuté cette pratique qui a Il est le premier qui a débuté le meurtre. Et donc, ici, on voit bien que chaque personne qui commence un péché, tous ceux qui le suivent, il va être responsable de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché. De tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché. Et c'est pour ça qu'Al-Nawawi, ici, le Cheikh Al-Jabiri, rahimahullah, Il nous cite une très belle parole de Nawawi. L'imam al-Nawawi, al-Hafiz al-Nawawi qui dit « Wa hadha al-hadith min kawa'id al-Islam. Wa huwa anna kulla man ibtada'a shay'an min al-sharri kana alayhi mithlu wizri kulli man iqtada bihi fi dhalika al-amal mithla amalihi ila yawm al-qiyamah. » Et donc il dit, rahimahullah, il y a dans ce hadith donc des fondements, des bases de l'Islam, ou un des fondements de l'Islam, qui est que toute personne qui innove quelque chose de mal, alors il portera avec lui le péché de tous ceux qui vont le suivre dans ce qu'il a accompli jusqu'au jour de la résurrection. Et donc il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum, à